On avait 5 cm de glace tout le long. Voilà, et sans compter que bon, il y a beaucoup de voitures qui roulaient très vite, et donc on a été obligé de s'arrêter parce qu'on ne pouvait plus rouler.